Je suis atteint du syndrome de Tourette, je vous prie de m'excuser. Je suis atteint du syndrome de Tourette, ma mère juste des bites, pute. Je suis atteint du syndrome de Tourette, je prends un traitement, connasse, connasse. Je suis atteint du syndrome de Tourette, Nadine Morano. Chat, chat, chat, ta mère, la chatte, chatte. Pute, pute, ta mère, la sale pute. Pute, pute, ta soeur suce des anus. Pardon, c'est syndrome de Tourette. Je suis atteint du syndrome de Tourette. Et vous êtes des enculés, enculés, enculés. Je suis atteint du syndrome de Tourette. Je prends un traitement, salope, salope, pute, pute. Je prends un traitement, salope, la salope. Putain, je prends des médicaments. Putain, pute, salope. Chat, chat, ta mère, la grosse chatte. Chat, chat, putain, bite, bite, bite, poil, poil, chat, chat, putain, pute. C'est le syndrome de Tourette. Je suis atteint du syndrome de Tourette. Et vous êtes des enculés, pute. Je suis atteint du syndrome de Tourette. Je vous enfonce mon doigt dans le cul. Je suis atteint du syndrome de Tourette. Je prends des médicaments, pardon. Je prends des médicaments dans ton cul, pute. Syndrome de Tourette. Et je vous connasse, Kev Adams. Kev Adams. Chat, chat, ta mère, la grosse chatte qui pue. La pute qui suce des ours. Les ours en Roumanie. Suce ta mère, ta mère, ta mère la pute. Je suis atteint du syndrome de Tourette. Depuis que je suis pédé, pédé, je suis pédé. Je suis atteint du syndrome de Tourette. Depuis que j'ai 4 ans, salope, salope, la 4 ans. Je suis atteint du syndrome de Tourette. Et vous êtes tous des pédés, pédés, vous êtes tous des pédés. Tous des pédés de syndrome de Tourette. Pouette, pouette. Pouette, pouette, ta mère la chatte. Ta chatte, chatte, chatte, chatte, chatte. Ta mère la chatte. Qui suce des anus, qui suce des anus en Roumanie avec Jean-François Copé, Kevin Adams, Kevin Adams, que putain. C'est le syndrome de Tourette, je suis atteint du syndrome de Tourette. Mais je serai bientôt guéri, pute, pute, pute. Je suis atteint du syndrome de Tourette. Je prends des médicaments, théorie du genre, la pute, ta mère, la pute. Je suis atteint du syndrome de Tourette. Je vais essayer de vous sensibiliser, pute, pute, pute. Je suis atteint du syndrome de Tourette. Et c'est pas facile, salope. Chat. Syndrome de Tourette, bite, couille, merci.